parle, mon frérot, je suis comme je suis. Les preuves seraient prêts à voir à croire que je maudis. Tu parles mal, qu'est-ce que tu sais de nos vies? Viens, on fait la dame, ça fait sourire ton petit. Tu me sors pour qui? J'ai fait sur mon booty. Je dors sur mon pédo, ma cadie, mon outil. Cousin, j'en morti, tu veux choquer, c'est forti. Faut bien que je mette le plein, le singe, je roule en Audi. Je me grandis ma 1, 46 francs. Ce que j'ai élevé par, ils me font les grossis. On ne manque le bar, y'a pas d'en négocier. Bébé m'en veut pas, je déguste la vie aussi. Dans mes poésies, je ferai jamais la star, je suis trop ghettoisé, ghettoisé. J'suis arrivé de nulle part, j'suis sorti du mur. J'ai jamais fait tout ça dans les locaux du maire. J'suis encore assez bâtard, il m'avait vu mort. J'me suis mis dans ma bulle, les hypocrites j'en ai eu marre. J'pourrais se donner un Hummer ou un dernier Lamborghini. J'suis tombé amoureux de la gadi sans l'avoir piné. J'suis avec ma Tokyo, posé dans le maquillo. J'suis resté moi-même, tu peux me croiser dans les restes ou la Clio. J'me vois pas briller, besoin de partir loin crier. Fais du buzz, fais des soins, tu vas finir par trier. Pas de trahison, nous les traites, nous les haïssons. Ça chante, après ça pleure que ça se retrouve dans des bails sombres. J'espère j'oublie tout, avancer la crise. Fallait que je fasse ma trace, que je change mon adresse. En traceur je trace, laisse-moi le gars presse. Que tout soit agresse. Sur scène je mets le feu, cocktail molotov. Une balle dans le corps, le single sur la top. Disque d'or, la bud, l'illicite dans la cave. Tu viens du hood, mais t'es que tu hot. C'est mes yeux dans l'ombre, le rap c'est dans l'âme. Jamais le Stallone. Ma vue sur les gouttes, parle de moi c'est good. En plus le temps c'est cool, et tu me dégoûtes. Plus je m'en bats les couilles, couilles. Bah, bah. Avec les sous du ghetto, les assis que c'est les survêtes. Ravita.